بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On a vu lors du cours précédent, on a vu donc deux critiques qui ont été faites au docteur le Cheikh Ibrahim Al-Ruhayri. Donc le fait qu'elle citait que Ahl Sunnah donc le diverge dans les fondements de la religion, les répliques. On a vu donc les répliques de certains de nos savants à cette parole. On a aussi vu la deuxième parole qu'il avait citée, donc qui est le fait qu'il fait sortir donc ceux qui ont des manquements dans le comportement, il les fait sortir du manhaj salafi, il les fait sortir de la sunna. Et donc on a vu les réponses des savants concernant ce sujet, et aujourd'hui on continue. On va essayer de finir aujourd'hui ce court épître du Cheikh Ubayd. Bien entendu, je ne lis pas tout ce que le Cheikh cite, mais en général, on résume. Et donc le Cheikh Ubayd, il nous dit, et la troisième parole qu'il prononce, la parole du docteur Ibrahim Ruhayli, Wafakahullah, lorsqu'il dit, وَلِهَذَا لَمَّا خَلَفَ مُرْجِئَةُ الْفُقَهَا أَصْلَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي بَابِ الْإِيمَانِ وَوَافَقُوا الْمُرْجِئَةَ مَا بَدَّعُوهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَإِنَّمَا قَالُوا مُرْجِئَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ قَالُوا مُرْجِئَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ يعني هم من أهل السنة وهم على السنة لكنهم وافقوا المرجئة في قولهم. Et donc, le Cheikh Ubayd dit, donc la troisième parole qu'il cite, la parole du docteur Ibrahim Ruhayli, wafaqahullah, lorsqu'il dit. Et c'est pour cela que lorsque Murji'atul Fuqaha, ils ont contredit un fondement des gens de la Sunna en ce qui concerne la foi, ils furent en accord avec les Murji'a. À ce moment-là, ils, c'est-à-dire les gens de la Sunna ne les ont pas taxés d'innovateurs. Et ils ne les ont pas fait sortir de la sunna. Cependant, ils ont dit « Murji'atu ahli sunna ». Les murji'a de ahli sunna. Yani, c'est-à-dire, ils font partie des gens de la sunna, ils sont sur la sunna, cependant, ils sont en accord avec al-murji'a dans leurs paroles. Et donc ici, cet homme, Ibrahim Ruhayli, il nous dit qu'ils font partie de Ahl Sunnah. Ils font partie de Ahl Sunnah. Le Cheikh Ubayd, il dit فَوَصْفُكَ مُرْجِئَةَ الْفُقَهَ بِمُرْجِئَةِ أَهْلِ السُنَّةِ لَمْ نَعْلَمْ حَتَّى السَّاعَةِ مَنْ سَبَقَكَ إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ السَّلَفِ وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا الْقَوْلُ فِي مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ الشَّهْرَسْتَانِ وَالرَّجُلُ مُخَلِّطُ أَشْعَرِي. Il dit la description que tu as faite de Murji'at al-Fuqaha en disant que ce sont des Murji'at al-Sunnah. Donc lorsque tu les fais rentrer dans al-Sunnah. Jusqu'à cet instant, nous ne connaissons pas une personne qui t'a précédé en cela parmi les imams des salafs. Cependant, cette parole de ce que nous connaissons, elle a été prononcée, elle a été dite par Shahrastani. Et cet homme, il est Mukhallit. Mukhallid, donc c'est quelqu'un qui mélange un peu tout. Ash'ari, donc al-Ash'ira. Et ensuite il dit le Cheikh aussi, un peu plus loin. Mais afadathu ibaratuk annahu lam yubaddi'hum ahadun min al-a'imma. Mujazafatun minka wa mukhatara. La siyama annaka mutakhassisun ustadhun fil 'aqidati bil jami'ati al-islamiyya. Et donc il dit la parole que tu as prononcée, lorsque tu dis qu'aucun parmi les imams n'ont taxé Murji'at al-Fuqaha d'innovateur, ceci est une frivolité de ta part, un manque de sérieux. Quelqu'un qui est frivole, quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi. Tu ne vérifies pas ce que tu ne vérifies pas avant de parler, tu ne fais pas attention. Et donc c'est une frivolité de ta part, particulièrement que tu es spécialiste, oustad, dans la aqida, dans la croyance à l'université islamique. Ensuite, le Cheikh Ubayd, il fait des citations. Il va citer donc les paroles des A'imma. Il nous dit que Abdullah ibn Ahmed, dans son livre As-Sunnah, il dit Haddathana Abi. Donc mon père m'a rapporté que Aswad ibn Amir lui a rapporté qu'il a entendu Abu Bakr ibn Ayyash. Et donc il a cité Abu Hanifa ainsi que ses compagnons. Alladhina yukhasimun. Ceux qui débattent. Qala. Alors il dit. Kana Mughira yakul. Wallahi alladhi la ilaha illa hu. La ana akhwafu ala ad-din minhum min al-fussaq. Et donc Mughira elle disait par Allah, celui dont il n'y a nulle divinité qui mérite l'adoration en dehors de lui, j'ai plus peur d'eux concernant la religion que les fussaq, les pécheurs. J'ai plus peur d'eux concernant la religion que les pécheurs. Et wa halafa al-a'mash qala wallahi alladhi la ilaha illa hu. Mais a'rifu man huwa sharrun minhum. Qila li Abi Bakr, ya'ni al-murji'a, qala al-murji'a wa ghayru al-murji'a. Et donc al-a'mash, il a juré aussi en disant donc par Allah, celui dont nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui, je ne connais pas un groupe ou des gens qui soient pires qu'eux. Alors on lui dit al-murji'a. Il dit al-murji'a est autre que al-murji'a. Al-murji'a est autre que al-murji'a. Ahl al-bid'ah. Wa qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmou' al-fatawa. Sheikh al-Islam rahimahullah, il dit comme on peut le trouver dans majmou' al-fatawa. بعد ذكره اصلا فاسدا في تعريف الايمان وهذا اصل فاسد في الشرع والعقل حتى ان الائمه كواكيع بن الجراح واحمد بن حنبل واحمد بن حنبل وابي عبيد وغيرهم كفروا من قال في الايمان بهذا القول بخلاف المرجئه من الفقهاء الذين يقولون هو تصديق القلب واللسان فإن هؤلاء لم يكفرهم أحد من الأئمة وإنما بدعوهم. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous cite un fondement qui est totalement erroné dans la définition de la foi, et après cela il dit ceci est un fondement caduc dans la législation et dans la raison. Même les imams tels que Waqi' ibn al-Jarrah, Ahmed ibn Hanbal, Abu Ubaid et autres, ils ont taxé de mécréants ceux qui, dans la définition de la foi, disent cette parole. Ceux qui, dans la définition de la foi, ils prononcent cette parole. Contrairement à al-Murji'a parmi le Fuqaha, ceux qui disent que la foi, c'est la croyance du cœur et de la langue. Ils disent que la foi, c'est la croyance du cœur et de la langue. Alors ces gens-là, personne ne les a taxés de mécréants parmi les imams. Cependant, ils les ont juste taxés d'innovateurs. Et donc on voit clairement dans cette parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah que les imams parmi les salafs, ils les ont taxés d'innovateurs. Donc, murji'at al-fuqaha. Et que c'est une lourde erreur qu'on peut trouver chez un professeur de aqida à l'université islamique lorsqu'il va dire que personne parmi les salafs ne les a taxés d'innovateurs. La quatrième phrase, quand le docteur Ibrahim al-Ruhayli, فَهَذَا الشَّيْخ جَمَالُ الدِّينَ الْقَاسِمِي رحمه الله وهو صاحب سنة وعلم وفضل لا يتنازع في ذلك اثنان ممن عرفوه وعرفوا جهوده في خدمة السنة ألف كتابه المشهور تاريخ الجهمية والمعتزلة ومما جاء فيه قوله رحمه الله بعد إيراد بعض كلام السلف في ذم الجهمية ولا شك أن مرادهم أولئك الزنادقة الملاحدة الذين تستروا بالتجهم أما صالح الجهمية فبمعزل عن هذا الجرح كما لا يخفى. Fin de citation. Et donc la quatrième parole qu'il dit, docteur Ibrahim al-Ruhayli, lorsqu'il dit Alors ce cheikh, Jamaluddin El-Qasimi Rahimahullah, qui est un adepte de la sunna, une personne qui a de la science et des mérites, et certes, toute personne qui le connaisse et qui connaisse ses efforts dans la défense de la sunna, ne rejette pas cela. Toute personne qui connaît ses efforts, donc, et qui le connaisse personnellement, qui connaît ses efforts dans la défense de la sunna, ne rejette pas cela. Sahib sunna. Il a écrit son livre qui est connu, Tarikh al-Jahmiya wal-Mu'tazila, l'histoire del Jahmiya et del Mu'tazila. Et certes, il a cité dans son livre, rahimahullah, il dit dans son livre, rahimahullah, après avoir cité quelques paroles des salafs qui blâment al-Jahmiya, il dit, Jamaluddin, il n'y a nul doute que ce qui est voulu par là, ce sont ces zanadiqa. On avait dit quoi? Ça veut dire quoi, zanadiqa? Zindiq ou zandaqa? On avait dit, on utilise pour un nifaq, l'hypocrisie. Et quoi d'autre? Celui qui montre publiquement la mécréance et l'islam. On avait cité un exemple? Voilà. Celui qui nous dit que, donc, il est permis de caricaturer le divin. Il est permis de caricaturer le divin. Publiquement, il montre la mécréance. D'accord? Et donc, ça, c'est zandaqa. Et donc, il nous dit, ceux qui sont voulus par les critiques des salafs, lorsque les salafs, ils ont critiqué le murji'a ou le jahmiya, excusez-moi, ce qui est voulu par là, ce sont al-zanadiqa. Et donc, ceux qui ont montré ouvertement la mécréance, ainsi que al-mala'ida. Al-mala'ida, donc, les négateurs, ceux qui ont rejeté la foi. Ceux qui se sont cachés en utilisant al-tajahum. Ils ont utilisé la voix de al-jahmiya pour se cacher. Mais par contre, les pieux parmi le Jahmiya, alors, ils ne sont pas concernés par cette critique. Les pieux parmi le Jahmiya, ils ne sont pas concernés par cette critique, comme cela, donc, est connu, comme cela est bien connu. Alors là, Cheikh Ubaid al-Jabiri, il cite ici, afin que les gens puissent connaître qui est cet individu, Jamaluddin, dont le docteur Ibrahim Rouhili fait les éloges. Il fait les éloges d'une personne qui a écrit donc ce livre, Tarikh al-Jahmiya wal-Mu'tazila. Il cite cette parole de cette personne qui est totalement donc, contraire à la voix des salafs. Il fait les éloges de cette personne. Alors le cheikh, donc, Ubaid, il nous dit « Ha'akum jumlatan min ibarat al-Qasimi fi Tarikh al-Jahmiya » Et donc je vais vous citer quelques paroles de cet homme, Al-Qasimi, dans son livre, donc Tarikh al-Jahmiya, l'histoire de Al-Jahmiya. Il dit à la page 16, وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا قُسْ يَعْلَمُ أَنَّ قَتْلَ الْجَهْمِ إِنَّمَا كَانَ لِأَمْرٍ سِيَسِي لَا دِينِ Il dit, certes, celui qui médite sur ce qui a été dit, il lui apparaît clairement que Al-Jahm, il n'a pas été exécuté pour un sujet religieux, mais il a été exécuté pour une raison politique. Il est exécuté pour une raison politique. Et il dit aussi, à la page 16, toujours, « Wa hadha mujmalu ma rawahu thiqat fi sababi maqtal jahm wa makhdumat al-harith wa bihi yu'lam ma kana alayhi min al-hirsi ala iqamati ahkam al-kitabi wa sunnah وجعل الأمر شورى وإباء الإنغماس في إمرأة الظالمين ورفض أعطاياتهم والعمل لهم. Et donc il nous dit ici, et la généralité de ce qui a été rapporté des personnes qui sont dignes de confiance concernant donc la mort de Al-Jahm et de Makhdumat al-Harithi, Al-Harith, nous montre que ces deux personnes-là s'efforçaient à appliquer les règles du livre et de la sunna. Donc là, il est en train de vous faire les éloges sur Al-Jahm ibn Safwan. Al-Jahm ibn Safwan, celui qui a propagé le manhaj de donc Al-Jahd ibn Dirham, Al-Jahmiya. Donc il nous fait ses éloges. Donc ce sont des personnes qui s'efforçaient d'appliquer les règles du livre et de la sunna. Et donc, qui s'efforçait de participer et d'appeler à la concertation. Il dit aussi, à la page 17, « Wa jahm kana da'iyatan lil kitabi wa sunnah, naqiman ala man inharafa anhuma, mujtahidan fi abwab masail as-sifat. » Et Jahm était une personne qui appelait au livre et à la sunna. Et c'est une personne qui combattait tous ceux qui déviaient, donc de ces deux-là, qui déviaient du livre et de la sunna. Et c'est une personne qui faisait des efforts de pensée dans les questions liées aux attributs. Dans les questions liées aux attributs. Et donc cette personne, elle est en train de nous faire les éloges d'un mubtadi'. Cette personne nous fait les éloges d'un mubtadi'. Et le professeur dans la aqida, il va faire quoi derrière? Il va faire les éloges de cette personne. En nous disant que c'est un sahibu sunna, c'est une personne qui a de la sunna. Sahibu ilm, une personne qui a de la science. Et ce qui est surprenant, les frères barakallahu fikoum, c'est que cette même personne, cet homme, Ibrahim Ruhaili, celui qui a, pour lui, donc celui qui a des manquements dans le comportement, il le fait sortir de la sunna. Il le fait sortir de la sunna. Celui qui a des manquements dans le comportement. Et là, ici, celui qui va défendre Ahl al-Bida'a, celui qui va défendre Ahl al-Bida'a, celui-ci, non, sahibu sunna. C'est une personne qui fait, donc c'est un adepte de la sunna. Et il n'y a nul doute, ô chers frères, que ceci est contradictoire. Il se contredit. Mais en réalité, cette contradiction, c'est la voix de tous ceux qui dévient du livre d'Allah et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi ils nous disent, les ulama, tout adepte de la passion, de l'égarement, il est obligatoire qu'il se contredise. Il est obligatoire qu'il se contredise. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous dit, « Efela yatadabbaroun al-Qur'an. » Ne médite-t-il pas sur le Qur'an ?« Walau kana min indi ghayrillahi li wajadu fihi ikhtilafan kithira. » Si celui-ci venait d'autre que Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Les savants, ils nous disent, parmi les leçons qu'on peut tirer de ce verset, le fait que tout ce qui ne vient pas d'Allah et tout ce qui n'est pas en accord avec la parole d'Allah, on y trouvera toujours de la contradiction. Tout ce qui n'est pas en accord avec le livre d'Allah, donc, va donc avoir de la contradiction. Par exemple, les Juifs qui disaient suivre la religion d'Ibrahim. Les Juifs, ils disaient suivre la religion d'Ibrahim. Lorsque la Kaaba, lorsque la Qibla a été changée, la direction de la Qibla a été changée, vers la Kaaba, qui a été construite par Ibrahim, qui a rejeté cela formellement? Les Juifs. Les Juifs. Ceux qui disent qu'ils suivent la religion d'Ibrahim, ils rejettent cela formellement et ouvertement. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait descendre sa parole. وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَ. Seuls ceux qui avilient leur propre personne délaissent la religion d'Ibrahim. Et donc ces gens-là, ils disent qu'ils suivent la religion d'Ibrahim, mais ils se contredisent. Et c'est comme ça pour tout innovateur. Toute personne qui contredit le Coran, la Sunna, elle va se contredire. Et là, comme on le voit clairement avec le docteur. Et donc ici, pour lui, donc, toute personne qui a des manquements dans le comportement, il sort de la sunna. Celui qui défend le mubtadi'a, il ne sort pas de la sunna. Alors que ça aussi, c'est un manque de comportement. Ça aussi, c'est un manque de comportement. On a dit, rappelez-vous les frères, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Askalou ma fil mizan yaoum al-qiyama husnul khuluq. » Ce qui est le plus lourd dans la balance au jour de la résurrection, c'est le bon comportement. Et on a vu dans Hadith al-Bitaqa que ce qui est plus lourd, c'est la ilaha illallah. Comment on fait pour rassembler les deux? On l'avait déjà vu ici. Comment on fait pour rassembler les deux hadiths? Un hadith te montre que ce qui est plus lourd, c'est la ilaha illallah. L'autre hadith, il te montre que ce qui est plus lourd, c'est le bon comportement. Et donc, on avait dit que le comportement se divise en deux. Le comportement envers le Créateur, avec le Créateur, et le comportement avec les créatures. Et qu'il est impératif d'avoir les deux. Celui qui aujourd'hui va défendre Ahl al-Bida'a, il aura un manque de comportement avec son Créateur. Car son Créateur lui a ordonné de défendre la vérité. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ad-dinu al-Nasiha, La religion, c'est l'honnêteté, la sincérité envers Allah, ses livres, son messager. Et donc, comment peux-tu être honnête et sincère envers le livre d'Allah? Les savants, ils nous disent le fait de défendre le livre d'Allah. Lorsque les négateurs vont rejeter ce qu'il y a dans le livre d'Allah, vont transformer, lorsqu'ils vont venir avec des ambiguïtés, le fait de défendre le livre d'Allah, le fait de défendre la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, « Ya ayyuha alladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. » Oh vous qui avez cru, si vous secourez Allah, Allah n'a pas besoin qu'on le secoure. Il n'a pas besoin qu'on le secoure. Ici, ce qui est voulu, si vous secourez la religion d'Allah, si vous secourez la religion d'Allah, Allah va vous secourir et va raffermir vos pas. Et donc, il était obligatoire de secourir la vérité. Il était obligatoire de secourir la vérité, pas de défendre Ahlul Bid'ah. Et c'est pour ça qu'on revient sur ce qu'on a dit précédemment concernant la fitna de l'Moussafira. Si on défend Cheikh Arafat et ceux qui se sont fait donc agresser dans cette fitna, c'est pas parce qu'on les aime, c'est notre habibi, etc., etc. C'est pas pour ça. C'est parce qu'il faut défendre la vérité. C'est pour ça qu'on a parlé. C'est parce qu'il faut défendre la vérité et montrer aux gens quelle est la religion musulmane et quelles sont les déviances. C'est pour ça qu'on a parlé. Et donc, ici, le Cheikh Ubaid, il nous dit « Awwalan, hal tasduru hadhihi al-ibarat min sahibi sunnatin wa lahu ilmun wa fadl la yatanaza'u fi dhalika ithnan mimman 'arafu wa 'arafu juhudahu fi khidmati sunnah. » Il dit premièrement, est-ce que ce genre de paroles, donc les paroles qui ont été citées de Al-Qasimi, est-ce que ce genre de paroles peuvent venir d'une personne, d'un adepte de la sunna, une personne qui a de la science et des mérites, dont tous ceux qui le connaissent et qui connaissent ses efforts dans la défense de la sunna vont affirmer cela? Une personne qui a de la science et qui défend la sunna va prononcer de telles paroles, va défendre Al-Jahm ibn Safwan. Ma adhunnuka illa tuwafiquni ala annaha la tasduru illa min jahilin aw mubtadi'in dallin mudil. Et je pense que tu ne pourras que être en accord avec moi dans le fait que ces paroles ne peuvent provenir que d'un ignorant ou d'un innovateur égareur, égaré. Wa kila rajulayn wa in asaba sunnatan fala yastahiqu hadha athna min al-akh Ibrahim afa Allah anna wa anhu. Et chacun des deux, donc celui qui est ignorant ou celui qui est innovateur, et chacun des deux, même si il est en accord avec la sunna dans un sujet, il ne mérite pas ces éloges qui ont été faits par le frère Ibrahim Ar-Ruhayli, afallahu anna wa anhu. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui dit: فَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ مُتْبِقِينَ عَلَى تَكْفِيرِ الْجَهْمِيَّةِ حِينَ كَانَ ظُهُورِ مُخَالَفَتِهِمْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْهُورًا مَعْلُومًا بِالْإِضْطِرَارِ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ. Donc il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et c'est pour cela que les salafs et les imams, ils étaient unanimes sur le fait de taxer le Jahmiya de mécréance lorsque donc leur opposition au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donc s'est propagée et fut connue et répandue pour la donc umum al-muslimin, donc lorsque leur déviance furent propagées et connues chez les musulmans. Et donc on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et bien là on termine cette série demain. Demain, Inch'Allah ta'ala. Waffaq Allah al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khayran.